Conte de fées en français. Gerlog et Grétari. Il y a fort longtemps, vivaient un roi et une reine et leur jeune prince dans leur royaume heureux. Ils n'étaient pas du tout concernés par le monde autour d'eux. Mais tout cela changea quand, au cours d'une nuit sombre, un dragon soudainement attaqua le palais et enleva le jeune prince. Le dragon vola longtemps pour retourner dans son antre. Mais il fut intercepté par le commandant du royaume des montagnes. Pour survivre, le dragon fut contraint de laisser le jeune prince derrière lui. L'enfant fut amené devant le roi des montagnes. Qui êtes-vous, jeune garçon? D'où venez-vous? De loin. Je suis Grétari. Mon père est le roi de Goland. Oh, ce royaume est en effet très loin. Nous leur enverrons un message disant que vous êtes en sécurité ici. D'ici là, restez avec nous. Merci, Votre Altesse. Le roi des montagnes envoya de nombreux messages au roi de Goland. Et chaque fois, le dragon les interceptait grâce à ses pouvoirs magiques. Mais aucun des 10 messages reçurent de réponse du roi de Goland. Le roi des montagnes décida donc d'adopter le jeune prince comme son fils. C'est une idée splendide, sire. Le prince est un beau garçon et il fera un bon futur roi pour notre pays. Il se trouva que le commandant avait une fille nommée Gerlog. C'était une fille belle et sage qui pratiquait la magie. Et elle et le prince Grétari devinrent de grands amis. Et avec le temps, ils finirent par s'aimer tendrement. Gerlod, nous devons dire à nos parents que nous devons nous fiancer. Réfléchis encore, Grétari. Vous êtes un prince et vous devez épouser une princesse. Vous savez, je n'y crois pas et mon père non plus d'ailleurs. Vous êtes la seule reine de mon cœur et je n'épouserai personne d'autre. Le roi des montagnes et son commandant militaire étaient extrêmement satisfaits et souhaitaient que Grétari et Gerlog s'engagent pour la vie. Mais le destin avait décidé autrement. Le dragon jeta un sort sur le pays et kidnappa Gerlog et Grétari. Enfin, je vous ai, prince Grétari. Que voulez-vous de moi? J'avais besoin du fils d'un roi, né pendant la pleine lune du mois du dragon, pour pouvoir le sacrifier au feu et devenir invincible dans le monde entier. Tu étais ce prince, et maintenant je vais te sacrifier et devenir le dragon le plus puissant et le plus féroce qu'il n'y ait jamais eu sur Terre et pour toujours. Libérez-moi juste une fois, vous oiseaux surdéveloppés, et voyez ce que je peux faire avec votre épée. Oh, vraiment? Très bien. Combe à moi. Grétari, tu ne tiendras pas longtemps dans la bataille, car il ne combattra avec sa magie. Il y a sur la table une boîte de cendres. Apporte-la-moi pendant que vous vous battez, puis coupez mes cordes en restant proche. Je ferai le reste. Alors, comme Gerlog l'avait conseillé, Grétari lui apporta la boîte de cendres et resta à côté. Le dragon utilisa son pouvoir et juste au moment où il s'apprêtait à frapper Grétari, Gerlog saupoudra les cendres sur elle et Grétari. Le donjon du dragon disparut et ainsi ils se retrouvèrent dans un vaste océan. Grétari et Gerlog se transformèrent en baleines. La baleine frappa longuement et fort sur le dragon, jusqu'à ce que le dragon ne puisse plus bouger et que la lutte soit terminée. Grétari et Gerlog nagèrent, fatigués et épuisés, et retrouvèrent leur apparence. Que s'est-il passé? Les dragons n'aiment pas du tout l'eau. L'entraîner dans l'océan était le seul moyen de le vaincre. Mais comment allons-nous partir d'ici? Où est notre royaume? Notre royaume est de l'autre côté du monde. Le seul endroit où on peut aller d'ici, c'est Goland, le royaume de ton père. Vraiment? C'est donc si loin? Je peux t'y amener en un instant. Mais tu dois me promettre une chose. Tout ce que tu veux, Gerlog. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas t'arrêter pour boire de l'eau. Si tu le fais, de grands malheurs nous arriveront et nous poursuivrons, car ces cendres ont l'empreinte du mal. Ne laisse jamais tomber ça. Si tu le fais, tu m'oublieras jusqu'à ce que ta future épouse le jette. Je ne comprends pas. Quoi qu'il arrive, je ne devrais pas m'arrêter pour boire de l'eau? Si je le fais, un grand malheur nous arrivera? Je ne dois jamais m'en séparer? Et si vraiment je le faisais, je t'oublierais donc jusqu'à ce que ma future épouse le jette? Quelle épouse, Gerlog? Et comment puis-je t'oublier? Je t'épouserai, toi et toi seul. Ce sont les étranges pouvoirs de la magie, Grétari. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Certainement. Je ferai exactement ce que tu voudras. Je ne serai pas long. Je t'attendrai ici. Alors Gerlog frotta un peu plus de cendre sur Grétari et immédiatement, il se retrouva devant les portes du palais du roi de Goland. Le palais est juste là. J'y serai en un instant. En effet, la porte du palais semblait assez proche. Mais quels que soient les efforts de Grétari pour marcher, il ne pouvait tout simplement pas atteindre la porte. Il semblait qu'il avait marché pendant des heures, comme s'il avait marché des kilomètres. Mais il ne pouvait pas atteindre les portes. Le soleil était chaud. Et le prince Grétari devenait très fatigué et assoiffé. Il avait tellement soif qu'il en oublia tout de sa promesse à Gerlog. Dès l'instant qu'il entendit un bruit d'eau, il s'y précipita. Ah! Sans cette eau, je serais déjà mort. C'est toi, mon fils? Père! Oui, c'est moi! Oh, mon cher enfant, tu nous as tellement manqué! Tu m'as manqué aussi, maman. Tu es revenu! Viens au palais et organisons de grandes réjouissances pour notre fils! Le prince de Goland est de retour! Il y avait beaucoup de joie dans le royaume. Grétari avait fait le contraire de ce que Gerlog l'avait mis en garde, boire de l'eau et perdre son pendentier. Grétari perdit tout souvenir d'elle et de la montagne. Gerlog l'attendit pendant des jours et des jours, mais comme il ne revenait pas, elle imagina ce qui avait pu se passer. « Mon prince bien-aimé m'a oublié. Oh, mère des vents, que dois-je faire ?» La vie est étrange et assez doux. Certains sont bons, certains sont mauvais, mais pas le désespoir, car il y a toujours un imprévu. En entendant la voix de la nature, Gerlog se jeta quelques cendres et atteignit le ruisseau d'où le prince Grétari avait bu l'eau. Elle retrouva son pendentif et le reprit. Puis elle revint au royaume. Elle commença à chercher du travail. Je viens ici à la recherche d'un travail. Pourrais-je vous aider dans quelque chose? Ah oui, tu as l'air jeune et brillante. On a besoin de quelqu'un comme toi pour s'occuper de la grange et de l'écurie. Tu pourrais le faire si cela ne t'indispose pas. Oh oui, montrez-moi ce que je dois faire et je le ferai et vous serez satisfait, je vous assure. Très bien alors, suis-moi. La fille du forestier montra à Gerlog ce qu'il fallait faire et bientôt Gerlog était si habile à faire son travail que la famille du forestier en était ravie. Gerlog nettoyait la grange et les écuries. Elle emmenait le bétail pour paître dans la forêt, gardait leur licol et leur selle réparée. Elle devient capable de fabriquer ses propres selles. Ainsi, de grands cavaliers vinrent chercher des selles chez elle. Elle devint célèbre dans tout le pays. Un jour, alors que le prince Gretari se promenait dans la forêt et que Gerlog s'occupait des bêtes... Ah! La selle du cheval s'est détachée. Puis-je vous aider, prince? On dirait que la selle s'est cassée. Si vous veniez là où je travaille, je pourrais vous en faire une nouvelle. Vraiment? Êtes-vous le célèbre sellier de notre royaume? Je ne sais pas si je suis célèbre, prince, mais je sais comment faire des selles. Gretari n'avait aucun souvenir de Gerlog et il alla avec elle à la maison du forestier où elle lui fit une nouvelle selle en un rien de temps. Voici votre selle, prince. Je vous remercie. C'est parfait. Combien je vous paye pour ça? Eh bien, si vous devez me payer, promettez-moi que quand vous vous fiancerez, je serai invitée à vos fiançailles et aurai un siège au banquet juste à côté de vous. Eh bien, c'est plutôt une demande inhabituelle. Mais je vous promets que votre souhait sera exaucé. Pensez-vous qu'un prince doit épouser une princesse? Eh bien, c'est la coutume. En fait, je vais dans un royaume voisin pour trouver une épouse parmi les 7 princesses. Merci pour la selle. Ainsi, le lendemain, Gretari se rendit dans un royaume voisin. Et comme c'était la coutume, il choisit la mariée qui était la plus belle de toutes. Le mariage devait être célébré à Goland. La princesse que Gretari avait choisie était plutôt contre nature et il s'est vite rendu compte qu'il ne l'aimait pas du tout. Tu t'attends à ce que je monte dans ce bateau? C'est si moche! Ce n'est pas un bateau, c'est un navire. Et comment veux-tu qu'il soit? Si j'avais su que tu avais un si mauvais goût, je n'aurais jamais accepté de t'épouser. Allez, partons. Le prince et la princesse atteignirent Goland, mais l'humeur de la princesse ne s'améliora pas. Et vous avez un si petit palais! Il y a un millier de chambres! Combien d'autres en voulez-vous? Il est laid et petit! Bientôt, le jour des fiançailles arriva. Fidèle à sa promesse, Gretari invita Gerlog et la fit s'asseoir juste à côté de lui au banquet. La princesse n'aimait pas ça. Qui est cette femme assise à notre table? C'est la célèbre sellière de Goland. Quoi? Vous avez fait asseoir un fabricant de sel à notre table? Attention à toi. Comment oses-tu? On dirait que je suis la cause d'un grand tracas. Je devrais peut-être partir. Non, je vous l'ai promis. Acceptez ce cadeau, prince. Porte-le autour de votre cou et je considérerai votre promesse accomplie. Certainement. Tu ne devras jamais lâcher ce pendentif. Si tu le fais, tu mourras jusqu'à ce que ta future mariée le jette. Tu porterais un pendentif si laid? Gerlog? Mais c'est vous! Tu te souviens enfin? Oui, oui, je suis désolé. Je n'ai pas suivi tes conseils. Qu'ai-je fait? Que se passe-t-il? Tout d'abord, vous invitez cette femme laide à nos fiançailles et vous la faites asseoir à notre table. Et ensuite, vous portez ce pentitif si laid! Quelle insulte! Eh bien, ma chère, si vous vous considérez si insultée dans ce royaume horrible et ce palais si moche, peut-être que vous devriez reconsidérer vos fiançailles avec mon fils. Oh oui! Je veux retourner chez mon père maintenant et je vais rompre ces horribles fiançailles! Je suis sûre que mon fils a peut-être le cœur brisé, mais je m'arrangerai sur le champ pour vous renvoyer au royaume de votre père dans votre horrible vaisseau. Mon Dieu! Elle ne manquera à personne! Qui est cette charmante jeune fille? L'amour de ma vie, mère. La femme qui m'a ramenée à vous vivant. Et le prince raconta toutes ses aventures à ses parents de sa vie dans les montagnes. Mais je ne suis pas princesse, votre Altesse. Mais qui a dit qu'un prince ne doit épouser qu'une princesse? Les gens ne doivent se marier que par amour. Et je vois que vous vous aimez vraiment beaucoup. Ainsi, le roi de Golande invita le roi des montagnes et son commandant en chef. Et le mariage de Gerlog et de Gretari fut célébré avec beaucoup de faste et de splendeur. Ils ne furent plus jamais séparés. Et Gerlog et Gretari vécurent ainsi heureux pour toujours.